La route du yacht fut donc maintenue. Restait à choisir l'île dans laquelle Ayrton devait être abandonné. Sur ce 37e parallèle figurait un îlot isolé, connu sous le nom de Maria Thérèse. Si jamais l'isolement absolu devait se rencontrer sur la Terre, c'était dans cette île, jetée en dehors des routes humaines. Ayrton accepta d'y vivre loin de ses semblables. Deux jours plus tard, à 2 heures, la vigie signala une terre à l'horizon. C'était Maria Thérèse. À 5 heures, l'apparition de feu sur cette île intrigue les voyageurs, mais la nuit étant tombée, ils ne peuvent s'en approcher. Sur le pont, Robert et Mary Grant, continuant à espérer, croient tous deux entendre la voix de leur père. Le lendemain, 8 mars, à 5h du matin, dès lors les passagers étaient réunis sur le pont du Duncan. Chacun voulait examiner cette terre, à peine entrevue la veille. Un cri poussé par Robert s'éleva soudain. L'enfant prétendait voir deux hommes qui couraient et gesticulaient, pendant qu'un troisième agitait un pavillon. « Le pavillon d'Angleterre !» s'écria John Mangles, qui avait saisi sa lunette. Personne n'osait parler à bord. En une minute, une embarcation fut mise à la mer. Les deux enfants du capitaine, Glenarvan, John Mangles, Paganel s'y précipitèrent et elle déborda rapidement sous l'impulsion de 6 matelots qui nageaient avec rage. À 10 toises du rivage, Marie poussa un cri déchirant. « Mon père !» Un homme se tenait sur la côte, entre 2 autres hommes. Sa taille, grande et forte, sa physionomie, à la fois douce et hardie, offrait un mélange expressif des traits de Marie et Robert Grant. C'était bien l'homme qu'avait si souvent dépeint les deux enfants. Leur cœur ne les avait pas trompés. C'était leur père. C'était le capitaine Grant. Le capitaine entendit le cri de Mary, ouvrit les bras et tomba sur le sable, comme foudroyé.